Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, un passé de paillettes. Cinéma, chansons et musical, les Arabes font la fête. C'était la grande époque du cinéma, de la musique, de la chanson, de la danse. Tout se faisait au Caire. Le développement du cinéma dans les pays arabes ne pouvait qu'être prolifique et très lucratif. Nous retrouvons Magda Wassef avec qui nous étions hier. Je rappelle en quelques mots qu'elle a été présidente du Festival du film du Caire. Elle a créé également un autre festival du film à Louxor. Elle a occupé un certain nombre de postes et notamment le département cinéma de l'Institut du monde arabe à Paris et puis également enseigné le cinéma arabe à la Sorbonne après avoir été formé, s'il vous plaît, par le grand historien Marc Ferraud, qui était il y a quelques années de cela au micro d'Histoire vivante. On va poursuivre avec vous, Magda Wassef, ce tour d'horizon du cinéma égyptien, nous intéressant aujourd'hui au rapport au pouvoir, au thème, notamment au thème politique. Commençons peut-être déjà par ce rapport au pouvoir et aux nouveaux médias, parce que vous nous avez parlé hier effectivement de l'importance des salles de cinéma, mais la télévision égyptienne va évidemment être gourmande de ce cinéma-là. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter le rapport du cinéma à la fois au pouvoir politique et également à la télévision? Le cinéma et le pouvoir politique ont des liens un peu spéciaux en Égypte. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement en Égypte, mais un peu partout. Mais en Égypte, la censure a commencé dans les années 40, quand le cinéma a commencé à être présent dans le quotidien des gens, quand le cinéma est devenu très populaire et qu'il a commencé à être la deuxième industrie du pays, quand même, appelée le coton. À partir de ces années 40, on est en pleine guerre mondiale. L'Égypte vit cette guerre indirectement à travers les Anglais. Donc il y a eu le code de la censure qui a été inspiré par le code Hays américain de la censure et ils l'ont un peu adapté à la sauce égyptienne, si on peut dire, avec peut-être des choses qui étaient liées à la société égyptienne et aux traditions égyptiennes. Mais il a été plus ou moins respecté par les uns et les autres et le cinéma était l'affaire du secteur privé. Les producteurs étaient des producteurs privés. La distribution était égypto-syro-libanaise plutôt. Le cinéma fonctionnait comme une industrie à part entière dans la société égyptienne, sans intervention de l'État. D'ailleurs, le premier ministère de la culture a été créé fin des années 50, après la révolution de 1952, le coup d'État de 1952. Donc c'est le premier ministère de la culture. Il n'y avait pas avant ça de ministère de la culture. En Égypte, à Ismaïlia, les choses se gâtent. Et après des mois d'agitation, c'est l'insurrection contre les Anglais. Ceux-ci ripostent avec efficacité. Mais la crise égyptienne est ouverte, elle sera dénouée par le départ de Farouk, que sa politique inconstante et la corruption de son entourage ont privé de l'appui de l'armée, qui, sous l'impulsion du général Néguib, occupe le Caire en 12 heures, au milieu de l'enthousiasme. Les choses sont restées en l'état, sans intervention de l'État directement, jusqu'au début des années 60. En 61, en particulier, il y a eu ce qu'on appelle le virement socialiste de Nasser. C'est Nasser qui est au pouvoir et Nasser se rapproche des Russes et il y a un virement socialiste qu'il va prendre. Le régime va décréter des lois, on les appelle les lois socialistes. Il y aura nationalisation de pas mal d'industries, de sociétés importantes et, entre autres, le cinéma. Le cinéma va faire les frais un peu de son critère clair. Il y a des gens qui ont été nationalisés alors qu'ils étaient des Égyptiens, ce n'étaient pas des étrangers, qui ont été loyaux, si on peut dire, à l'égard du régime. Et ils ont été nationalisés. On a tout pris. On a pris les studios de Marie Queenie, par exemple, et Ahmad Galal. Les studios Misr a été nationalisé. Le studio Ahram, le studio Nahas, tout. Tout le cinéma a été, il y a eu même mise de l'État sur le cinéma, entre autres. Comment cela va-t-il impacter les œuvres à proprement parler? Ça a été très très mal vécu par la profession et ça a été aussi un désastre pour le cinéma pendant pas mal de temps. Qui gère le tout ça? C'est une structure, un organisme national du cinéma qui est créé. On met bien sûr des noms des gens du cinéma, mais bon, qui ne sont pas les gestionnaires. Là, c'était des gens qui faisaient leur boulot d'administrateur. Et là, pendant 10 ans au moins, ce sera l'organisme du cinéma, l'organisme national du cinéma, qui va être détenteur des salles de cinéma, des studios, avec une armée de fonctionnaires qui vont être introduits. Et là, il y aura orientation thématique. Là, il y aura directives de la part des responsables politiques et culturels de l'époque pour mettre en avant l'idéologie du régime, pour défendre ce régime, être le porte-parole de ce régime. À l'époque, au début des années 60, il y a aussi la naissance de la télévision égyptienne. Donc, parallèlement, il y a la télévision égyptienne qui démarre avec 3 chaînes. Et d'autre part, le cinéma qui est sous la coupe de cet organisme du cinéma. Ils ont laissé quelques petits producteurs, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Beaucoup de cinéastes égyptiens, producteurs, réalisateurs, acteurs même, ont fui le pays à cette époque et se sont réfugiés à Beyrouth, au Liban. Parmi lesquels Youssef Chahine... Avant de revenir, il y avait aussi Henri Barakat, il y avait d'autres, beaucoup de grands noms du cinéma égyptien sont partis à Beyrouth parce que les distributeurs sont partis aussi, qui étaient les Syro-Libanais, et ils les ont attirés là-bas pour créer une industrie parallèle, essayer de continuer à faire du cinéma à Beyrouth avec tous les Égyptiens qui étaient des stars, les réalisateurs, producteurs et autres. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et progressivement, les uns et les autres sont revenus vers le Caire, où ils ont fait quelques-uns de leurs meilleurs films. Tous les grands films, les classiques du cinéma égyptien, ont paradoxalement été produits et réalisés au cours de ces années 60, où il y avait cet organisme du cinéma national. Alors avec cet organisme du cinéma qui veille et surveille, comme le lait sur le feu, les éventuels débordements des artistes, est-ce qu'on a affaire, parce que vous en conviendrez, Magda Youssef, c'est vraiment un cinéma qu'on n'a absolument jamais vu, ou vraiment peut-être grâce à vous dans certains festivals, parce que vous êtes une spécialiste du cinéma égyptien et vous les avez fait connaître. Mais nous, pauvres mortels, véritablement, ce sont des films qu'on ne connaît pas. Moi, j'aimerais bien avoir quelques éclairages de votre part sur ce que j'imagine être un cinéma égyptien hautement patriotique de cette période-là. En fait, ce n'était pas directement lié à des thèmes patriotiques, mais aux thématiques défendues par l'État. Ça veut dire, le paysan était mis en avant. Alors, il y avait pas mal de films qui dénonçaient les propriétaires terriens injustes, comme La Terre de Chahine. Ou bien la situation mélodramatique des ouvriers agricoles, les journaliers là, qui se déplacent d'un truc à l'autre. Donc ils ont touché à des thèmes humains. Il y a eu aussi beaucoup d'adaptations littéraires de films qui ont été des romans connus et qu'on a adaptés à l'écran. Parmi ces films, Le Péché de Youssef Idriss avec Fatem Hamam, la grande star du cinéma égyptien, et Henri Barakat. Henri Barakat est un des noms les plus marquants du cinéma égyptien des années 50, 60. Il a fait aussi Le Chant du Kouli, qui est adapté du roman de Taha Hussein, un écrivain très important dans l'histoire du cinéma égyptien, qui était aveugle et qui a été un des grands écrivains, qui est venu à Paris, qui a fait ses études, qui a épousé une Française, Suzanne, qui l'a aidé dans sa vie et qui est devenu ministre de l'Éducation nationale. C'est un grand bonhomme dans l'histoire de l'Égypte. Et il est romancier, poète, chercheur, enfin. Voilà, donc beaucoup de romans, d'ouvrages littéraires très connus. Les Tout Mahfouz a commencé à être adapté au cinéma dans les années 60 avec cet organisme du cinéma national. Donc, il y a un paradoxe. D'un côté, la bureaucratie qui s'empare du cinéma et de la gestion du cinéma. Et d'autre part, il y a beaucoup de films très intéressants et qui continuent à être vus et revus jusqu'à aujourd'hui partout dans le monde, arabe du moins, qui ont été produits à cette époque-là. Magda Ouassef, comment la place de la femme dans la société égyptienne va-t-elle être représentée au cinéma? On peut imaginer qu'en fonction des époques, cette place, ce rôle, cet archétype va considérablement se modifier. Est-ce que vous pourriez peut-être nous esquisser un peu l'évolution de la femme dans le cinéma égyptien? La femme a été un pivot de cette industrie du cinéma. Dès le départ, la première femme qui a osé produire un film et l'interpréter, c'était Aziza Amir. Mais l'année suivante, c'est Assia. C'est Assia. Assia est d'origine libanaise, syro-libanaise. Et quand on dit syro-libanaise, en Égypte, il y avait une très grande communauté de Syriens et de Libanais. Pour les Égyptiens, c'était syro-libanais, c'était de la grande Syrie. Donc, il n'y avait pas forcément Syrie et Liban distinctement. Donc, beaucoup ont émigré en Égypte et se sont installés et ont fait carrière dans tous les domaines. Donc, Assia et ensuite sa nièce, Marie Queeny, ont toutes les deux été productrices et actrices dans le cinéma égyptien dès les années 20, ensuite les années 30. Alors, quand on regarde des films des années 30, par exemple les comédies musicales de Mohamed Abdelwahab, qui était le Maurice Chevalier de l'Égypte, le grand chanteur, il a fait 7 ou 8 films où il était bien sûr le jeune premier, mais avec lui, il y avait bien sûr de très jolies femmes actrices. Et c'était toujours les thématiques. J'avais fait à Lima un cycle où on a passé tous les films de Abdelwahab. Et en regardant ces films à distance, parce qu'on ne les avait jamais vus à l'écran, on était trop jeunes, on n'était pas nés. Quand on a revu ces films, moi, ça m'a étonné la modernité du traitement de la place de la femme dans ces films. Dans ces films où les histoires étaient tout simplement des histoires d'amour toutes simples, mais il y avait le respect déjà de la femme et de son choix. Et ça, c'était intéressant à observer en regardant un petit peu ces films. Et puis ensuite, dès les années 30, avec tous ces films, il y avait cette tendance. Ensuite, il y a eu Oum Kalsoum. Oum Kalsoum, c'était aussi la diva, la grande star de la chanson égyptienne. Elle a fait des films, mais elle est restée cantonnée dans un type de film plutôt historique. Et donc, à la limite, je l'exclus de tout ça. Mais sa présence à elle, en tant que grande dame de la chanson, avec cette place si spéciale qu'elle a occupée, ça dit un peu l'époque. L'époque, c'était pour la libération des femmes. Jusqu'en 56, les femmes vont avoir le droit de vote. Mais avant ça, il y avait beaucoup de luttes des femmes depuis les années 20, avec Hoda Sharawi, le mouvement féministe égyptien. Il y a eu énormément de grandes femmes, de grandes figures qui ont marqué l'histoire de ce mouvement. Et elles ont été un modèle elles ont été appréciées. Et il y avait des films qui ont posé la question de l'éducation de la femme, du travail de la femme, de la liberté de choix du mari, parce que ça, c'était aussi quelque chose d'archaïque aussi. Tout ça, le cinéma l'a posé très, très tôt. Dès les années 49-50, il y a déjà des films qui posent la question de Maître Fatma, avec Fatin Hamama qui fait des études de droit et qui veut exercer, et elle a son cabinet. Avocate au Madiha, aussi, un autre film avec Madiha Yousri. Beaucoup de films, à cette époque-là, commencent à poser la question de la place de la femme dans une société moderne. Et à partir de quand, Magda Wassef, le volet va-t-il se refermer? Ce volet de liberté-là, d'indépendance de ton et d'esprit va se refermer? L'esprit va, tout va basculer à un moment donné, après fin des années 70, avec l'arrivée de Sadat au pouvoir. Sadat va jouer un peu avec le feu en essayant de combattre la gauche égyptienne de Nasser. Il va sortir les frères musulmans des prisons. Il va encourager la tendance islamiste et encourager l'islamisation de la société. Ce qui va devenir, dans les années 80, les islamistes qui l'ont assassiné, c'est un peu le paradoxe, il n'a pas pu maîtriser la chose. Les années 80 vont voir la montée progressive du voile, parce que vous m'avez envoyé le film quand les Arabes dansaient, je pense, où on voit le Nasser dans un grand discours où il est hilar en disant « Les frères musulmans me demandent de voiler les femmes, vous vous rendez compte ce que ça veut dire ?» Et les gens rient. Et personne n'était voilé en Égypte, à part les paysannes avec leurs tenues traditionnelles, ou dans les quartiers populaires, les femmes avec leurs tenues traditionnelles. Mais les femmes n'étaient pas voilées en Égypte. Ni dans le monde arabe d'ailleurs, sauf dans les pays où c'était leur tradition, mais l'Égypte était ailleurs. L'Égypte était beaucoup plus évoluée que les autres pays de cette époque. Donc à partir des années 80 commence la wahhabisation de la société, avec aussi le boom pétrolier qui va pousser beaucoup d'Égyptiens vers le travail dans les pays du Golfe, qui ont d'autres traditions, bien sûr. Et il y a l'encouragement à travers les prédicateurs. Et ça va devenir, les années 80-90, la montée extravagante même de l'islamisation de la société et régression de la place de la femme. Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux et ça dépend de l'éducation des uns et des autres. Mais la grande tendance, c'est le port du voile, qu'on soit d'un milieu très aisé ou d'un milieu très pauvre. Et cette montée de l'islamisation, Magda Wassef, comment va-t-elle impacter le cinéma égyptien? Il y a eu, pendant un certain nombre d'années, ce qu'on a appelé favoriser le cinéma propre. Qu'est-ce qu'on entend par propre? Cinéma nazif en arabe. Le cinéma propre, c'était, ça veut dire qu'il n'y a pas de, on s'embrasse pas, on ne se touche pas. Ils ont commencé à importer le code de la censure saoudien, qui commençait à avoir un impact sur la production et de films et de séries télévisées. Pourquoi? Parce que eux achètent les films ou achètent les séries. Et donc, ils commençaient à tenir compte de leurs consignes de censure. Tout ça a été cémenté progressivement, mais il y a eu aussi des contre-courants. Actuellement, il y a ce n'est pas très, on ne voit pas tellement dans la rue, mais beaucoup de femmes se sont dévoilées, beaucoup de jeunes filles se sont dévoilées. Donc il y a remise en question de beaucoup de choses actuellement. Surtout peut-être après le passage des frères musulmans, Morsi et tout ça, les gens ne veulent pas. Les Égyptiens, il y a une schizophrénie un peu chez certains. Ils sont pour une certaine liberté et ils sont traditionnalistes par nature. Donc, dans les films égyptiens, même des années 50 et 60, mais on ne outrepassait jamais les bienséances de la société, les traditions. Ce n'était pas dicté par qui que ce soit, mais c'était normal, presque, de respecter un certain nombre de choses. Magda Wassef, vous avez regardé pour nous le documentaire que nous pourrons découvrir dimanche soir sur RTS2, « Au temps où les Arabes dansaient ». J'aimerais bien avoir, et c'était d'ailleurs l'objet de cette proposition, avoir votre avis sur ce documentaire. Nous recevrons demain au micro d'Histoire Vivante son réalisateur. Mais qu'avez-vous pensé, vous, de ce film ? Je pense que c'est intéressant parce qu'il a une réflexion aussi sur une réflexion personnelle. Il y a l'influence exercée par ce cinéma égyptien. Il faut dire que le cinéma égyptien que beaucoup connaissent, parce que c'était le seul qui était diffusé un peu partout, c'est surtout ces films des années 40 où le cinéma égyptien, c'était une forme de censure si on peut dire, s'est réfugié dans les boîtes de nuit, les cabarets, où on voyait les danseuses, les chanteurs, les danseuses, chanteuses, et ainsi de suite. Et ça, c'est une dominante de cette production de ces années 40 en particulier, 40 et puis une partie des années 50, début des années 50, où il y avait la censure, une certaine censure, faisait qu'on ne pouvait pas parler d'un médecin ou de certaines professions avec leur syndicat, interdisait qu'on dise du mal de telle ou telle profession. Et donc, le cinéma s'est réfugié dans des endroits où il n'y avait pas d'interdit. Il n'y avait pas de syndicat dans les cabarets ? Non, il n'y avait pas de syndicat dans les cabarets. Et alors, les cabarets, donc, il y avait les boîtes de nuit, les filles, la danse. Et bon, donc, tout était autorisé. La boisson à gogo et tout. Toutes les histoires qu'on voulait. Et donc, c'était le divertissement pur. Et c'était l'époque, la guerre. Et les gens allaient au cinéma parce qu'ils fuyaient le quotidien assez dramatique de cette époque-là, parce qu'il y avait aussi de la misère. Donc, le cinéma, c'était le lieu de divertissement par excellence, avec tous ces films-là, avec des chanteurs qu'on aimait, des danseuses Shamia Gamal, Taye Karioka, Naïma Akif, plein de superbes danseuses, où tout était possible. Dans ce cadre-là, mais c'est vrai que c'était une image, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre image de la société égyptienne que d'autres ont incarnée, mais gentiment, mais sans toucher quoi que ce soit. Il n'y avait pas, on ne pouvait pas dire qu'un médecin a mal fait une opération ou je ne sais plus. On ne pouvait pas toucher les professions. Mais après, ça a été, on a oublié un peu tout ça. Mais c'est vrai que la première partie du film a mis l'accent sur les danseuses, les superbes danseuses, la liberté de tout ça. Mais l'image de la danseuse dans la société égyptienne, elle est restée tout de même, malgré ces danseuses qu'on adulait, mais elles étaient à leur place. Dans les années 60, il y a eu une évolution de la perception de la place de la danseuse grâce à qui ? Grâce à Farida Fahmi. Farida Fahmi est la troupe de Reda. Farida Fahmi est une danseuse, mais pas, elle ne danse pas dans les boîtes de nuit, elle est dans une troupe de danse. On ne peut pas dire traditionnelle, mais elle dansait tout. Alors, son père était professeur à l'université, une polytechnique. Sa mère était anglaise, elle était superbe. Et il y avait Ali Reda et Mahmoud Reda. Et donc, il y a eu cette troupe Reda. Et donc, c'était la réhabilitation de la danse orientale à travers les filles de bonne famille. Pas les femmes qui sont dans les boîtes de nuit comme les danseuses qui viennent d'un milieu très modeste, qui ont été obligées d'aller danser dans les boîtes de nuit. Mais là, c'était une autre catégorie de jeunes filles égyptiennes qui ont choisi la danse parce qu'elles aimaient la danse et qui ont réhabilité et la place de la danseuse et l'image de la danse dans la société à travers cette troupe Reda, une troupe aussi nationale, une autre troupe nationale que l'État a mis en place à cette époque, avec beaucoup de jeunes filles et garçons, avec la création de l'Académie des Arts avec le ballet, le conservatoire de ballet, avec garçons et filles. Donc c'était une époque, dans ces années 60, malgré tout, les années 60, c'était le début de quelque chose de... au contraire, on appréciait la danse sous toutes ses formes. Ce que le film montre à travers, je crois que l'enseignement de la danse, les écoles de danse orientales, un peu partout dans le monde. Mais ici aussi, il y a encore une réhabilitation de la place de la danseuse. Donc la danseuse n'est pas uniquement celle qui danse dans les boîtes de nuit et qui est une mauvaise femme ou qui est l'équivalent de... Voilà, c'est pas ça du tout. La danse, c'est un art, et c'est un art qu'on apprécie et qu'on respecte. Donc c'était aussi la liberté de choisir. Et c'était une bonne chose. Maintenant, avec la montée de l'islamisme, il y a eu régression à nouveau. Donc c'est un peu... Mais les choses actuellement, malheureusement, pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les danseuses dans les boîtes de nuit en Égypte, c'est une dominante russe-ukrainienne. Voilà. Parce qu'il y a moins d'Égyptiennes qui dansent. Magda Wassef, on vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous avez dirigé un ouvrage paru en 1995, Égypte, 100 ans de cinéma. C'est paru aux éditions Plume. Il n'est pas certain que l'éditeur soit encore présent, mais en tout cas, on peut trouver sur le net l'ouvrage d'occasion. Certains d'ailleurs ont pris une valeur absolument phénoménal. Ils sont sans doute beaucoup plus chers qu'ils n'étaient au moment de la sortie du livre. On vous remercie beaucoup pour cet entretien. Aujourd'hui, votre actualité, vous continuez de travailler un peu, d'organiser de ci de là des représentations, du festival. Actuellement, je suis en train d'écrire. Donc c'est mais non plutôt je me suis retirée un petit peu de l'organisation de manifestations. Ma dernière, c'était le Festival international du film du Caire. Oui. Et pour l'instant je suis plutôt un peu en retrait par rapport à ce type d'activité. Et l'écriture est plutôt romanesque, essai? Non, l'écriture, c'est je pense que je vais mettre un petit peu toute cette expérience que j'ai vécue. J'ai quand même passé presque 40 ans à Paris dans différentes activités, et puis donc c'est un peu cette expérience-là que j'ai envie d'écrire ou de raconter. Eh bien, nous avons grand hâte de lire ça, et n'hésitez pas à revenir au micro d'Histoire Vivante pour en parler. On vous remercie beaucoup, Magda Wassef, et puis, retournez donc à votre établi, allez donc écrire, on ne vous dérange plus. Merci encore. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.